Assis sur le trône, j'ai détecté l'or. Tu renies, je suis le dictateur qui dictator. Les mots principaux se laissent tirer par toutes les syllabes que j'ai addictées. Autant les lettres, les voyelles, les consonnes deviennent mes apprentis guerriers. Voilà, le son concret, la fréquence amplifiée. Pour ça, l'assiduité convoitée a déteigné la rivalité. Et là, offusqué, le mental illustre ses rimes robustes, prêts à incruster tout talent injuste. Juste armé, plumé de papier blanc, le rythme accompagne. J'enclenche le combat de mes idées pour que l'inspiration gagne. Borné à l'envie de faire des victimes, je m'acharne, prêt à sortir mon arsenal depuis un bail. Je les réclame. Jour du retrait, des mots accumulés en banque, représentant l'hypocratie, système basé sur un manque. Peuple craintif par une démocratie péjorative. Intuitivement, le mal finit, mais dans ce temps reste toujours vif. Fort militant, ça fait longtemps que je chasse dans cette jungle. J'ai pris la couronne et depuis les envies ont demeuré humble. Fidèle à ma royauté, il s'est avéré que je le resterai. M'apportant amour et tendresse, donc je la respecterai. Écoute ce son, garçon, et dis-moi comme il t'étonne. Un produit de finition rempli de textes lourds à la tonne. Les gouttes de sueur versées justifiant la race à somme. Reconnais ce qui est vrai et va acheter l'album. Appelle-moi le monarque, prêt à dégainer mon arc. Et c'est le maniement de mon art dont je me parfais aux insurmontables. Rapatriement de mon grimoire pour le départ de leur style minable. L'alignation de mes lettres forme la cadence des plus admirables. Et je suis plus que debout et contre toute attente. Et là est le cavalier de la plume, prêt et présent pour dévaler la pente. Et la pression augmente, sa plume soigne saigne et signe. Douce caresse, cinglée sur l'aile d'un cygne. On lui a dit, mais aujourd'hui son épée scintille. Car les lettres ont une âme, et l'aligne mon outil fit mon arme. Et puis quoi, j'emmerde leur foutue hypocrisie démocratique. La mystification d'une inégalité si critique. Ultimement, mon rap là s'allie la plume à mes côtés. Et c'est jeté dans mes mots simplement sans me déchausser. Vainement, j'ai prié pour que le piètre bêtise s'atrophie. Donc j'ai épousé le bic et la feuille blanche et j'ai crié ses cris. Ainsi, j'affiche mes couleurs sur l'emblème de l'hypocratie. Système politique basé sur un manque et sur l'hypocrisie. Le posé sur l'autre côté de la rive, c'est qu'on vaudra mon art. Alors qu'on s'est battu, qu'on démarrait pour que l'aventure démarre. Pour finir, que dire de plus à part courte procurée. Dans l'échiquier, le sabre n'a épargné que quelques miraculés. Au pied contre le mur de l'ignorance et celui du manque de faculté. Le pouvoir est dans les lettres, les voyelles et les consonnes amarrées.